Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Bon, alors attention, Julie nous avait parlé du top 10 tout à l'heure des artistes qui étaient les plus souvent recherchés sur internet, c'est ouais. ça hein ouais, c'est et donc vrai. Là j'ai le top 5 des rappeurs hein. je vous avais fait découvrir déjà évidemment. On dit qu'on est riche avec 50 euros là-bas, ça fait 333 ouais. 000 CFA. Voilà, c'était Amandine du 38 évidemment. Alors il y avait aussi notre ami un grand rappeur belge, Momo Crocro Croco. Je suis Momo Croco, le matin dans mon monde j'ai l'écho. Je suis affamé de manger des noix de coco. Mmh. Ouais, t'as vu, je présente. Et on n'oublie évidemment pas Laura, la ouf de Beauvais dans le nord de la France. Ouais, je m'en fous de tout. Ouais, les racailles jusqu'au bout. Ouais, vive le Beauvais. On mais est ouais. toujours ici. On va foutre le bordel. Et bien aujourd'hui j'ai encore du très lourd avec Cyril Delouan. Alors attention, c'est du lourd, c'est du trop lourd. Si t'as pas compris, on va te séquestrer. Gros BD, fais pas le boss avec nous. Il y a du rythme hein. Ah ouais. On sent qu'elle a pêche là-dedans. Attention ouais. hein. Avec non, ça mais... tu peux flipper grave hein. Non mais c'est ça qui est bien, c'est que tu sens que le mec, tu vois, il prend un flow bien calme et tout. Et après ouais. il dit que des trucs archi violents. Exactement. Ah ouais. Ouais. D'ailleurs justement, écoute bien. Si t'as pas compris, on va te séquestrer. Oh là là. Gros BD. Ouf. Eh ouais. Ah ouais, grosse insulte en plus. Ah oui, c'est sympa. T'as hein. vu, sympa, c'est sympa. Classe. On va vous mettre la vidéo sur le blog là pour que vous puissiez voir sa dégaine. Ça vaut le détour. Hein. Pour ah ceux non, qui n'ont pas a... bien compris, je vous le rends un petit coup. Si t'as pas compris, on va te séquestrer. Gros BD, fais pas le boss avec nous. Bolos. Bolos, voilà. Mickaël à la radio, le replay. Fun radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizée Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. Et hier, comme souvent dans les tribunaux, il y a deux amis qui ont tenté de se sauver la mise en racontant un gros mensonge. Le problème, évidemment, c'est qu'ils n'avaient pas la même version et qu'ils ont oublié des détails importants. Alors, je vous explique l'histoire. Il y a Olivier K qui emprunte la voiture de son ami Olivier S. Donc, Olivier K roule sans permis et en état d'ivresse. Du coup, bah forcément, c'est l'accident. Le drame. Bah oui, c'est ça, c'est l'accident, c'est le drame. Bon, comme son pote, il est quand même plutôt cool, il va essayer de lui sauver la mise en déclarant « Oh, on m'a volé ma voiture, je l'ai retrouvée accidentée !» Déjà, la pire connerie à faire. Hein. Mm-hmm. Et donc, problème auquel il n'avait pas pensé, évidemment. Et oui, l'ADN de son pote était sur les lieux de l'accident. Alors, écoutez... Bah, tu cherches ton pote, tu dis « Ouais, c'est lui qui me l'a volé, je savais pas, il m'a pris les clés, je me suis pas rendu compte. » Tu lui mets tout dessus. Donc voilà, on écoute maintenant, justement, les explications de cet accident au tribunal. Monsieur, levez-vous. Vous déclarez vous être fait voler votre voiture alors qu'elle était dans son garage. Alors comment se fait-ce que l'on ait retrouvé l'ADN de votre ami sur les lieux de l'accident ? Ah mais ça c'est parce qu'en fait, quand on nous a volé la voiture, Olivier, ben, il passait par là. Et il a vu les voleurs qui prenaient la voiture. Alors il s'est dit, ouais, moi je vais courir derrière la voiture. Après il a sauté sur le toit. Les voleurs ils faisaient carrément des virages pour le faire tomber Olivier. Et là Olivier il est tombé, il a roulé sur 200 mètres. Mais bon il a quand même réussi à s'accrocher à la roue. Donc il s'est servi de sa ceinture pour rattraper le rétroviseur. Il s'est hissé jusqu'à la portière hein, parce que bon c'est pas facile non plus. Après quand il a ouvert la porte, il a quand même fait une technique de jiu-jitsu brésilien au conducteur. Et il a réussi à le foutre dehors de la bagnole. Une fois installé, il a regardé l'autre voleur, il lui fait hasta la vista baby. Et alors de peur l'autre con il a volé en dehors de la fenêtre. Il a sauté et tout. Et la marmotte a mis le chocolat dans le papier d'alu. Ouais, c'est ça, monsieur le juge. Un mensonge presque parfait, tous les jours au tribunal. Ouais, bon, forcément, évidemment, bah, comme ça, c'était difficile de le faire passer. Hein. Mmh. Bah, non, moi, je trouvais ça crédible. Ah bon ? Bah, ouais, écoute, ouais. Oui, je trouve pas. Que c'était plus crédible que mon idée de mettre sur le pote. Ouais, ouais. Écoute, ouais. Faut voir avec un vrai juge. Mickaël à la radio, le replay. Fun radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. Voilà. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Il voilà. Très bien réveillé ce matin. Oui, cool. Je sais, j'ai encore les petites crottes d'yeux dans les yeux, justement. Tiens. Bon, alors, attention, c'est le moment, c'est l'instant. La ligne anti-relou, les meilleurs messages qui ont été laissés sur le 0-473-86-00-13. Sachez que c'est la ligne anti-relou, sachez que c'est une ligne qui est là que pour vous. Vous devez en profiter, vous devez vous sauver des relous en leur donnant ce numéro de téléphone, surtout qu'on arrive au week-end, forcément. Je pense qu'il y aura de quoi faire. On va écouter le premier message laissé sur la ligne anti-relou aujourd'hui. Oui, ben inconnu. Je m'amuserais bien à te mettre de la crème de chantilly, oui. et je lâcherai partout. Quelle chance. Et je te dévorerai comme un bon casse-croûte. Quelle chance. Bah non, je suis jalouse. Ah bah oui, bah j'aimerais nous bien aussi, qu'on me dévore comme un casse-croûte. Mais oui, bah écoute, cool, si tu veux, il suffit de demander, nous on peut trouver pas quelqu'un possible. Si tu veux. Non, non, mais c'est pas possible. Il y a comme des bouées, il n'y a pas de problème. Ah oui, on a le contraire nous aura détonné, tiens. Tout ce qu'il y a à manger, tu manges. Ah ça c'est clair. Bon, même périmé. Hein. Ah bah surtout périmé, c'est là que c'est le meilleur. C'est ça. Allez hop, deuxième message. Oui, bonjour, je téléphone de la part de Bigouda, je suis Madame Benadji. Donc je vous confirme bien que je veux les trois iPhone 5 qui vont sortir pour 100 euros. Ah, moi aussi. Il n'y a aucun souci, c'est un petit peu comme la base de l'iPhone 4S. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Quelqu'un qui s'y connaît à fond en high-tech, évidemment. Hein. Ouais. Parce que déjà, un iPhone à 100 euros, je crois que même l'iPhone, la toute première génération, n'est pas encore à 100 euros. Donc, l'iPhone 5, qui plus n'est pas sorti encore, hein. Je pense que ça m'a l'air un peu compliqué, Madame Bigouda. C'est le iPhone qui est à 100 euros. Ouais, le iPhone, peut-être. On rappelle que fumer la moquette, c'est mal. Exactement. Bon, dernier message. Oh non, encore. Entre la chanteuse qu'on cherche et elle. Voilà, tiens, on dirait notre chanteuse mystère de ce matin, tiens, notre invité mystère. On la réécoutera d'ailleurs. Elle pense que ça va plaire au mec en fait. Mais ouais, c'est pour savoir si c'est pour que le mec il l'appelle et il lui chante une autre chanson pour lui dire qu'elle l'aime. Ah, comment lui expliquer ? Il y a peut-être de ça. Mickaël à la radio, le replay. Fun radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Hystérica. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël. Fun. À la radio. Votre seule chance de gagner des billets d'avion toutes les heures, c'est d'écouter Mickaël à la radio tous les matins. Fun radio. Rigolez, quoi. Trouvez la réponse à l'énigme de Mickaël. Et vous gagnerez peut-être vos billets d'avion mis en jeu chaque matin. Ouais. Pour remporter les prochains billets d'avion, rendez-vous demain dès 6h sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. La seule émission de Belgique à vous offrir des billets d'avion toutes les heures. Oh mon Dieu, oui, j'aime bien son. Ah nom de Dieu. Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, on va rendre service. Oui. On a compris. Donc on va. Ici, donc en raison de l'intersyndicale, nous avons décidé de manifester. Oui, monsieur. Écoute. Et donc nous cherchons un endroit où nous serions peut-être possible d'être accueillis pour le petit déjeuner avant de partir. Bon, bah très bien. Allez, on y va. On appelle qui alors? Donc nous appelons l'hôtel Queen Anne à côté de la gare. Très bien. Hôtel Queen Anne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Joseph. Voilà, en fait, je suis le responsable de la Terre syndicale. Vous êtes au courant pour la manifestation ? Oui, tout à fait. Oui, voilà. Et en fait, je vous appelle parce que nous souhaiterions pouvoir venir, en fait, dans votre hôtel pour prendre le petit déjeuner avant de partir. Et vous êtes combien ? Écoutez, on attend 50 000 personnes, donc à raison de groupes de 10 personnes sur le chemin pour aller à la manifestation, disons que normalement pour en midi, tout le monde devrait être passé, hein, monsieur. C'est une blague, bien entendu. Pas du tout, monsieur. Hein, regardez, j'ai le mégaphone ici. Hein. Des sous, on veut des sous, des sous. Ah, ok. Voilà, vous voyez, je sais pas, moi je suis réceptionniste, hein, mais voyez comme vous pensez, ouais. La direction arrive vers 9h, donc il faut demander à eux, moi je ne suis pas en mesure de... Ah oui, vous... mais la manifestation c'est à 9h30, hein, monsieur, il faut qu'on sache où on aille. Hein. Ah, mais à 9h30, le petit déjeuner est déjà fermé, malheureusement. Oui, justement, c'est pour ça, hein, donc nous on veut venir avant la manifestation, c'est logique, hein, monsieur. Je pense que ça n'ira pas, malheureusement, nous n'avons pas les capacités pour vous accueillir pour tout le jour même. Hein. C'est ça, donc en fait, vous ne voulez pas aider les camarades qui vont aller sur le pavé, sous la pluie, pour défendre vos intérêts, monsieur. Non, moi, il n'y a rien que je ne veux pas défendre. Simplement que si vous nous appelez le jour même, si vous imaginez bien que c'est un peu dur de préparer la chose. Hein. Bah oui, monsieur. Fallait prévoir ça un peu à l'avance. Oui, monsieur, mais le combat syndical n'attend pas, monsieur. Hein. C'est-à-dire qu'on ne décide pas. Vous m'excuserez, mais j'ai quelques clients devant moi qui attendent de pouvoir effectuer le paiement pour le départ. Donc, eh bien, justement, nous aussi, monsieur, on veut des sous. Des sous, on veut bien. Des sous, monsieur. Merci. Oui, merci. Merci. Alors qu'est-ce que... Rappelez peut-être dans une heure quand la direction sera là. Je pense. Très bien, monsieur, mais je rappelle dans une heure. Merci je vous rappelle. Merci. Parce que on prend des sous. Oui, bah il est parti. Hein. Voilà. Et on voit qu'il est, on voit qu'il fait partie d'un hôtel. Tu vois, mais toujours tranquille, toujours calme. Oui, c'est ce qu'il allait dire. Ouais, ouais, il était quand même un peu vénère sur la fin. Ils ont presque une formation pour rester calme. Ah ouais, mais je pense que c'est obligatoire. Hein. C'est obligatoire. Ah oui, il vaut mieux parce qu'à mon avis les clients doivent défiler. Je pense qu'il a vraiment des doutes sur le fait que ce soit une blague. Ouais, ouais, ah, je pense. Il a cru, je pense. Ouais, je crois. Ouais. Mickaël à la radio. Le replay. Fun Radio.